بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحمد لله كم له علينا من نعم، وهو القائل سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لون جاء الله سبحانه وتعالى avec combien de bienfaits nous accomplit سبحانه وتعالى. On dit dans la traduction du verset cité ici, dans la traduction approximative du sens, il vous a octroyé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous allez pour comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas le faire. L'être humain est injuste avec lui-même et il est ingrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, laylan wa naharan, wa sirran wa alaniyatan. على ما أنعم به علينا من هذه اللقاءات بهذا المركز، مركز الفرقان بمدينة بروكسل. إلونج الله سبحانه وتعالى نلوم nuit et jour en public et en privé pour tous les bienfaits avec lesquels il nous a comblés, et pour ce grand bienfait avec lequel il nous a comblés, qui est le fait de se rencontrer dans ce lieu, dans ce centre qui est le centre Al-Furqan dans la ville de Bruxelles. Et le Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, man la yashkur an-nasa la yashkur Allah. Et en mettant en application la parole du messager alayhi salatu wassalam et son orientation alayhi salatu wassalam, celui qui n'est pas reconnaissant aux gens, il ne sera pas reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ash-shukru li ikhwati al-qa'imin ala hadha al-markaz. وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحب ويرضاه، وأن يثبتنا وإياهم وإياكم على الحق حتى نلقاه. Donc les remerciements sont pour ceux qui sont à la tête de cet édifice et de cette organisation qui se centre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les accomplir dans la voie droite et sur la vérité. Et aussi nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir tous, nous et vous, sur ce qu'il aime et ce qu'il agrée, et de nous raffermir sur la vérité. Fa marhaban bikum ayyuha al-hudur al-karim. Wa sallallahu 'azza wa jalla alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadha al-markaz على طاعته سبحانه وتعالى، نجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bienvenue à vous, chers frères, en Allah سبحانه وتعالى. Nous demandons à Allah سبحانه وتعالى qui nous a réunis dans ce centre pour son obéissance et dans son obéissance, qu'il nous réunit dans le paradis, inshallah. فالحمد لله الذي مكنكم من هذا المركز لتعليم البنين والبنات ما يجب عليهم من أمر دينهم ولتحفيظهم كلام ربي العزة سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لونجا الله سبحانه وتعالى كي بوزا بيرمي d'avoir ce genre de centre pour apprendre votre religion et pour enseigner cette religion à vos enfants et à vos filles et pour leur faire mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur enseigner la sunna du messager alayhi salatu wassalam et la religion d'Allah selon la voie et la compréhension du noble compagnon radhiyallahu anhu. وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي اللَّهِ أَنَّكُمْ مَحْسُودُونَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَشَيَاطِينِ الْجِنِّ. Il faut que vous vous rendiez compte et que vous soyez éveillés et que vous compreniez que vous êtes jalousés pour ce bien, que ce soit de la part des shayatins humains ou de la part des shayatins et djinns. Des deux côtés. فَحْرِصُوا رَعَاكُمُ اللَّهِ عَلَى هَذِي النِّعْمَةِ وَشْكُرُوا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَحْقِيقِ التَّقْوَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Vous devez tenir à ce grand bienfait de Allah Azza wa Jal et d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant taqwa qui est le fait de mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. فلا نزدري هذه النعمة ونقم بواجبنا تجاهها والنعم تزيد وتنمو بشكرها ولا يكون شكرها إلا بتحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. العمل بكتاب الله عز وجل وفق فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين رجاء ثواب الله عز وجل امتثالا لأوامره سبحانه وتعالى وجنابا لما نهى عنه سبحانه وتعالى مع الرجاء في الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. Et donc, vous ne devez pas négliger ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala vous concernant. Et vous devez accomplir votre devoir vis-à-vis de ce grand bienfait d'Allah. Car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala augmentent quand on est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ils augmentent. Et quand on est ingrat vis-à-vis du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils diminuent, ils disparaissent. Et la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut s'accomplir qu'avec le fait d'accomplir taqwa, qui est la mise en application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le livre et la sunna, et ceci selon la voie et la compréhension du plus prédisseur d'Allah alayhim, en espérant les récompenses d'Allah, et de l'autre côté s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, selon le livre et la sunna, conformément au livre et à la sunna, et selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhi, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'on arrive à accomplir taqwa et on arrive à être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits avec lesquels il nous a comblés. وربنا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Notre souverain subhanahu wa ta'ala nous confirme ceci dans le Coran, dans la traduction approximative du sens du verset. Si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est douloureux. Fansallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum ahlan li ni'amihi wa min ash-shakirin laha. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui sont dignes des bienfaits que leur octroie Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous soyons parmi ceux qui accomplissent la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. وحالي كما قال محدث اليمن رحمه الله عليه في كتاب اجابه السائل يقول رحمه الله وما يحيي قلبي وينشرح صدري الا اذا كنت بين اهل السنه. Ma situation est telle comme l'a décrit l'imam Muqbil rahimahullah dans son livre Ijabat al-Sa'il, qui a dit rahimahullah, mon cœur ne revit et ma poitrine ne s'apaise qu'en étant au milieu des gens de la sunna. وذكر البستي رحمه الله في روضة العقلاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قيل له ما ماء العيش؟ قال لقاء الإخوان. Et on rapporte, Bousti rapporte dans son livre le jardin de ceux qui sont doués de digne raison, le jardin de ceux qui sont doués de raison, Raudat al-Uqala. Il le rapporte de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui a dit, on lui posa la question, c'est quoi l'eau de vie? Il dit, l'eau de vie, c'est le fait de rencontrer les frères. C'est-à-dire les frères d'où la sunna, les frères qui se cramponnent à la voix du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons d'Allah alayhim. Wa an Shu'ba rahimahullah qal kharaja Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah ala ashabihi faqal antum jala'u huzni. Shu'ba, toujours dans Raudat al-Uqala. Shu'ba, c'est pour ça que ce livre, Raudat al-Uqala, Cheikh Al-Uthaymeen, il le conseillait beaucoup aux étudiants. Il disait que c'était l'un des livres qui était programmé à l'institut, c'est-à-dire juste au niveau secondaire. Ce livre était programmé. Et c'est pour ça qu'il conseillait de le lire et de méditer les paroles qui sont relaté dans ce livre qui est Raudat al-Uqala. Shu'ba dit, Abdullah ibn Mas'ud est sorti devant ses compagnons. Il leur a dit, vous êtes la dissipation, vous êtes ce qui dissipe ma tristesse. Radiallahu anhu wa arda. Ça, ce sont nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Et ça, c'est la valeur qu'ils avaient de la fraternité et du lien qui est créé par le fait d'être sur la voie du livre et de la sunna selon la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhim. Et c'est ainsi que ça doit être. وَذَكَرَ الدَّهَبِي فِي السِّيَرْ أَنَّ ابْنَ الْمَجَاشُونَ قَالَ إِنَّ رُؤْيَةَ مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْكَذِرْ أبو بكر رحمه الله لتنفعني في ديني. وهذا أبو بكر توفي سنة 132. Et l'un d'Abi rapporte de l'un des imams de Malikiya qui dit, le fait de voir tout simplement qu'ils zioutent, Mohammed ibn Abdillah al-Munkadir, Abu Bakr, qui est mort en 132, le fait de le voir, il dit, ça me sert dans ma religion. Le fait de le voir, ça me sert dans ma religion, il disait. Parce que comme il est dit dans l'Athar, ton frère, c'est celui qui te rappelle Allah Azza wa Jal. Donc rien d'étonnant que ce genre de parole émane de ses pieux prédisseurs d'Allah alayhim. وَالْحَالُ كَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْخِيَارِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِلِقَاءِ إِخْوَانِ لَنَا يَجْمَعُنَا وَإِيَّاهُمْ كِتَابُ رَبِّنَا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفق فهم منهجي وفق فهم صحابة رسول الله ومنهجهم ومنهج من تبعهم بإحسان لهم الدين. Et la situation, elle est naturellement, comme on dit, c'est noble, رضوان الله عليهم ورحمهم الله. Longe à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a octroyé cette rencontre avec des frères avec lesquels nous sommes liés par le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, la voix et la compréhension de nos pieux prédisseurs d'Allah alim, et à leur tête les nobles compagnons. Wa kama aslaftu ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Ni'amullahi alayna tathra. Wa minha ni'matu hadha al-markaz. Alladhi ma huwa illa wasilatun li'ihqaq ghayatin 'azima. Ala wa hiya nashr hadhihi ad-da'wati as-salafiyya القائمة على الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. Et comme je l'ai cité auparavant, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux nous concernant. Fait partie de ces bienfaits ce centre qui est un moyen pour arriver à un noble but. Le noble but, c'est le fait de propager cette noble da'wa, qui est la da'wa du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhi. وحتى نعلم عظم هذه النعمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها فلنسمع لمحدث العصر رحمه الله تعالى شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه عندما زار مقر أنصار السنة بالقاهرة في 27 من غشت من سنة 1960 فمما قال في كلمته رحمه الله ونحن والحمد لله لا نزال ندعو وسنظل ندعو إلى آخر نفس من حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى وإن كنا نغبطكم أنكم تجدون الحرية المطلقة في الدعوة إلى دعوة الحق بينما نحن لا نجد مجالا إلا مع الاحتيال انتهى كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Et pour se rendre compte de ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant, écoutez ce que dit Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh, le muhaddid de notre siècle, l'imam par excellence de la sunna. Quand il a visité l'Égypte en 1960 et quand il était au centre ou à la maison du hadith de Ansar Sunna au Caire, il a dit cette phrase dans son discours qu'il a fait autour du monothéisme. Il a dit cette phrase qui doit attirer notre attention pour se rendre compte de ce grand bienfait, de ce moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Il a dit, nous, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, on continue à faire da'wah, nous avons fait da'wah et on continue à faire da'wah et nous allons faire da'wah jusqu'à la fin de notre vie, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il parlait à Ansar, au frère de Ansar Sunna qui était présent, mais on vous envie, parce que vous trouvez la liberté complète pour faire la da'wah vers cette da'wah de vérité. Et nous, nous n'avons pas cette possibilité sauf en rusant. Ici s'arrête ce qui est voulu des paroles de, comme témoignage des paroles de Cheikh Nasser Dil Albani. Cet homme, malgré la grandeur de sa science, il n'avait pas la possibilité d'avoir ni un centre. Mais cela ne l'a pas empêché, ni une mosquée, ni cela ne l'a pas empêché à propager la da'wah salafi à travers Sham et sa da'wah à travers les océans. Et regardez-vous ce moyen que Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé, donc ne soyez pas un obstacle sur le chemin de cette da'wah. Ne soyez pas une gêne pour cette da'wah. Ne soyez pas des perturbateurs d'esprit non plus. Et ne suivez pas n'importe qui. Il faut savoir être mûr et avoir le discernement et mettre en avant les intérêts de cette da'wah avant les intérêts personnels. Sinon, la situation sera dangereuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. فنتأمل الحال الذي نعيشه اليوم ونحمد الله عز وجل على ما أكرمنا بهذه اللقاءات في هذا المركز وهذا المركز متنفس لكل غريب والغربة شديدة اليوم. Et comme dit la situation dans laquelle maintenant on est durant cette soirée-là. Et qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour son grand bienfait. Et pour ce grand bienfait avec lequel il nous a comblé, qui est ce centre. Et ce centre doit être un échappatoire pour tout étranger, le gharib. le marginal, celui qui n'a plus de place dans n'importe quelle société, qui est pourchassé de partout. La ghurba est très forte actuellement. وهي كما يقال إذا تكلمت عن التوحيد نبذك أهل الشرك وإذا تكلمت عن السنة نبذك أهل البدعة وإذا تكلمت عن الدليل والحجة نبذك المتعصب والمتصوف والجهل وإن تكلمت عن طاعة ولاة الأمر بالمعروف والدعاء لهم والنصح لهم سرا وتكلمت عن عقيدة أهل السنة في هذا الباب نبذك الخوارج والمتحزبة. Et la situation, elle est ainsi maintenant dans cette ghurba qui est très forte. Quand tu parles du monothéisme, tu es rejeté par les polythéistes. Quand tu parles de la sunna, tu es rejeté par les gens de l'innovation et tous ceux qui suivent leur passion. Quand tu parles de la preuve, tu es rejeté par ceux qui sont sectaires à certaines écoles de jurisprudence et tu es rejeté par les ignorants et par les sophies. Et quand tu parles de l'obéissance au gouverneur musulman dans le bien et dans le fait de lui faire dua et dans le fait, si tu as un conseil, à lui prodiguer en privé et non pas en public, et quand tu cites l'aqida des gens de la sunna à ce niveau-là, ben tu es rejeté, critiqué par le khawarij et toutes les tendances du khawarij, Qutbi, Sururi et ainsi de suite, ainsi que tous les sectaires au parti, les partisans de ces jama'at et de ces partis qui existent. فالغربة شديدة جدا. إن تكلمت عن الإسلام وربطته بالحياة نبذك العلمانيون والليبراليون وأشباههم ممن يريد فصل الدين عن الحياة. غربة شديدة. Et quand tu parles de l'islam et que tu lis l'islam à la vie, tu es rejeté, critiqué par les laïcs, par les libéraux et tous ceux qui sont leurs similaires. Et tous ceux qui veulent séparer la vie de la religion. C'est une énorme ghurba. هؤلاء جميعا يحاربون هذا الغريب بجميع الوسائل. بالإعلام المسموع، المرئي، المكتوب. حتى أصبح الأهل والأصحاب يحاربون هذا الغريب المتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلفه الصالح رضوان الله عليهم. ورغم هذا أخ الإسلام يجب أن نكون سعداء بهذه الغربة. رغم هذا كله هذه نعمة من الله يجب أن نكون سعداء بها وأن نفتخر بها لأن رسول رب العزة صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الغرباء فقال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى في الحديث. Ce gharib qui se cramponne au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna selon la voie et la compréhension de ses prédisseurs d'Allah alayhim, il est combattu de partout. Les flèches de toutes ces tendances le tirent de tous les côtés. Ils le combattent avec les médias, que ce soit audio ou visuel, ou les cris, et ainsi de suite. Et vous voyez ce qui se passe dans ces moyens de communication maintenant. Au point que la famille de ce gharib le combat aussi. Ce gharib qui se cramponne au livre et à la sunna, selon la voie et la compréhension de ses pieux prédisseurs d'Allah alim, certains c'est leurs femmes qui les combattent. Certains ce sont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Mais malgré tout ça, il est obligatoire d'être fier et d'être heureux avec cette ghurba. Et il est obligatoire d'être fier de cette voix du messager alayhi salam, de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Parce que le messager alayhi salam a fait les éloges de ses ghurabas. Et il a dit, l'islam a commencé étranger, il va redevenir étranger comme il a commencé. Toba, les ghurabas. Toba, ça a plusieurs explications. Parmi les explications, c'est que c'est un arbre au paradis. Une autre explication nous dit, c'est cet apaisement, et cette félicité, et cette joie que trouve celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala quand il accomplit ce qu'il doit accomplir. Hein? On a dit au messager alayhi salatu wassalam, qui sont ceux-là, ya Rasulallah? C'est qui ces étrangers-là, ces ghurabas? Il a dit, ce sont des gens qui se réforment dans le bien alors que les autres sont dans le mal. Et il y a d'autres descriptions de ces ghurabas dans le hadith, parce qu'il y a beaucoup de versions. فلهذا إذا أكرمك الله أخ الإسلام وأنعم عليك بأن عرفت طريق المنعم عليهم طريق الغربة فاحمد الله وكن له من الشاكرين صباحا ومساء. ici pour ça c'est Allah سبحانه وتعالى tu comme le frère en Allah سبحانه وتعالى de connaître la voix du ghuraba, la voix des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Men nahnu la shay. Qui nous sommes? L'élection se fait par Allah. Al-istifa'u min Allah. Al-hidayatu min Allah. Al-tawfiqu min Allah. Fa'alayna an nahmad Allah صباحا ومساء سرا وعلانية أن هدانا إلى هذا الطريق الذي تنكب عنه الكثير. Nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir de nous avoir guidés sur cette voie que beaucoup ne connaissent pas. Que beaucoup ne connaissent pas. Et ça en soi, c'est un énorme bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jalasatuna inshallah fi mawdu'in muhim. Ala wa huwa mawdu'u man umirna bil iqtida' bihim hatta nuhaqqiq hadhihi al ghurba. Notre sujet concerne ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce sont nos modèles que nous devons suivre. Et si on les suit, on va arriver à quoi? On va arriver à l'accomplissement de cette ghurba. Et à être à l'aise dans cette ghurba. Et avoir le bonheur. Et avoir la satisfaction et d'avoir la joie d'être gharib. فَهَاوْلَا الْأَخْيَارِ أَمَرَنَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته باتباع منهجهم وسلوك طريقهم. Ces nobles, Allah subhanahu wa ta'ala les a élus, il les a choisis pour qu'ils soient nos modèles sur cette noble voie qu'il a gréée subhanahu wa ta'ala. Et lors de suivre leur voie, il est prouvé par maintes versets dans la parole d'Allah et par beaucoup de hadith dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Walaka an tata'ammala qawla Tawah ibn Kisan rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah alladhi kana yuraddidu qabla mughadarati majlisihi rahimahullah لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. رواه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد بسنده إلى أصبغ بن الفرج عن الإمام مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قلت لمالك والقائل أصبغ بن الفرج: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. معناه يريد الفرقة الناجية، يريد الفرقة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الطريق الذي يريده، هذا هو الطريق الذي سيصلح آخر هذه الأمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et nous devons méditer la parole de Wahb ibn Kisar, rahimahullah, qui n'arrêtait pas de répéter, avant de quitter l'assise de science qu'il tenait, il disait: nous réformera en bien la fin de cette communauté que ce qui a réformé en bien le début de cette communauté. Cette parole est rapportée par Al-Hafid Abu Amr ibn Abd al-Barr dans Tamhid, avec une chaîne de transmission qu'il remonte directement à Asba' ibn al-Faraj, qu'il rapporte de l'imam Malik. L'imam Malik a dit que Wahb ibn Kisan, rahimahullah, quand il était dans son assise, avant de quitter son assise, il leur disait: sachez que nous réformera en bien la fin de cette communauté que ce qui a réformé en bien le début de cette communauté. Et il a dit à Malik, Asbar a dit à Malik, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase? Il dit, il veut dire par ça le début de la religion. C'est-à-dire le début de la religion, c'est-à-dire le début de la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons. Et il veut dire aussi taqwa, qui est le fait d'accomplir ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant la récompense d'Allah, et s'abstenir de ce qu'il a interdit, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et cela, il désignait dans une seule phrase du messager alayhi salatu salam, quand il a parlé des tendances et des divergences, etc. Et quand il a cité cette tendance qui va être sauvée dans ce bas monde, pour ne pas tomber dans les innovations et les passions, et dans le delà pour ne pas être dans le châtiment d'Allah, il a dit: ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, mes compagnons. Fa al-ma'na anna al-umma lan tasluha wa lan tastaqima la hal wa la yantadim la hayatun ala al-islam laha ala la hayatun ala al-islam wa as-sunnah illa bi suluki maslak salafiha as-salih ridwanullah alayhim rasulullah wa sahbuhu al-kiram وكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وأساس أولئك هم صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين قال في حقهم سيد البشر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد. فجعل طريقه وطريقهم طريقة واحدة. Et donc, cela veut dire quoi? Que la communauté ne se réformera en bien et que sa vie ne sera réellement dans la droiture, dans l'islam, qu'en prenant la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'en prenant la voie du messager alayhi salam, et les pieux prédisseurs. Et à la tête de ces pieux prédisseurs viennent les nobles compagnons d'Allah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection après. Et à la tête de ces pieux prédisseurs, il y a les quatre khalifs bien guidés. رضوان الله عليهم اجمعين qui sont concernés par cette parole du messager alayhi salam qui a dit cramponnez-vous à ma voix. Il y a la voix du khalif bien guidée. Et à la fin, il a dit mordu dessus avec vous, mon heure. Il a fait que sa voix et la voix du khalif bien guidée est unique. C'est une seule voix. وهذا أبو العالية يبين لك نحن أمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة وجعله الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الصلاة أن نقول فيها أهدنا الصراط المستقيم. هذا أبو العالية أتاه رجل فقال له ما الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليهم أجمعين فقال إن أبا العالية يقول أن الصراط المستقيم هو أبا بكر وعمر. فقال الحسن البصري صدق ونصح، صدق ونصح، أي هو صادق فيما قال وناصح لك أن الصراط المستقيم هو طريق هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإذا أخذت طريق أبي بكر وعمر فأنت على الصراط المستقيم. Et nous avons à voir la parole de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la grande compréhension de cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire pour nous de faire ce dua dans chacune de nos prières, qu'il soit surrogatoire ou obligatoire. Guide-nous sur la voie droite. Un homme, comme il est rapporté par Tabari rahimahullah, vint voir Abu al-Aliya. Il lui a dit, c'est quoi la voie droite? Il lui a dit, la voie droite, Abu Bakr et Omar. L'homme était un peu étonné. Il est allé voir Al-Hasan al-Basri rahimahullah jamian. Il lui a dit, Abu al-Aliya yaqoul, que Sirat al-Mustaqim, la voie droite, c'est Abu Bakr et Omar. Et Al-Hasan al-Basri lui a dit, il a dit vrai, et il a été digne du conseil. Ça veut dire que tu veux la voie droite, prends le chemin de ce noble compagnon de Allah alayhim, et alors tu as dit Abu Bakr et Omar Ridwan Allah alayhim. Et si tu veux être sauvé dans ce bas monde et être sur la voie droite, tu dois obligé de prendre le chemin de ce noble compagnon de Allah alayhim. ولذلك عد العلماء قراءة سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب زيادة الإيمان. لماذا؟ لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم لهذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان هم خير القرون ومحماة الإسلام وحملته وهم أصحاب المواقف العظيمة كانوا أقوى الناس إيمانا وأرسخهم علما وأكثرهم تقوى وورع رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. C'est pour ça que nous savons, les anciens ainsi que les contemporains considèrent le fait de lire la biographie des pieux prédécesseurs d'Allah Alim et à leur tête les nobles compagnons d'Allah Alim est un des moyens pour augmenter la foi de la personne. Se pencher sur la vie des compagnons et les meilleures générations de l'islam, y lire leur vie, leur position, leur sacrifice, les épreuves qu'ils ont subies, les efforts qu'ils ont prodigués pour l'apprentissage de la religion et pour sa mise en application, cela augmente la foi de la personne. Et parce que ceux-là, ces nobles d'Allah alim, ce sont les gardiens de cette religion. Ce sont eux qui ont porté cette religion à ceux qui les ont suivis. Et ils avaient des nobles positions. Et ils étaient parmi les gens les plus courageux, qui ont prodigué beaucoup de sacrifices, qui étaient ancrés dans la science, qui avaient une grande foi, et qui avaient l'wara aussi. Ils délaissaient ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qui ne l'est pas. Ridwanullah alayhim. فعندما يمن الله عليك أخ الإسلام، وعندما يمن الله على أحد منا بالهداية إلى هذا الطريق وباستعماله في دينه، فإنه إذا قرأ سيرة هؤلاء الأخيار تبين له أنه مسبوق في الخير، مسبوق في الخير، فيجتهد في العمل فيكون ذلك سببا في زيادة إيمانه، وسببا في اعترافه بضعف نفسه. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala comble l'un parmi nous à être guidé sur cette noble voie, et que Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans sa religion, quand il se penche sur la biographie de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum, et de ses pieux prédécesseurs qui leur ont succédé, il lui apparaît clairement qu'il a été devancé de loin dans le bien. Et qu'il est très, il est derrière, hein, et qu'il a été devancé de loin. Et dans ces cas-là, cela le motive à faire encore plus d'efforts et à œuvrer, et cela va être une cause pour augmenter sa foi. وهؤلاء الأخيار حياتهم تطبيق عملي لما نتلوه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Ces nobles et ces élus, ces générations que Allah subhanahu wa ta'ala a élus, leur vie, c'est la mise en pratique, la mise en application de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mise en application de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi wa sallam. فهم فعلا كما وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans cette traduction approximative du sens du verset où il est dit: il est parmi les hommes des croyants qui ont honoré leur engagement envers Allah. Certains fidèles à leurs promesses sont tombés en martyr, tandis que d'autres attendent sans se détracter et sans rien changer. Sans rien changer de la voie que le messager leur a léguée, alayhi salatu wassalam. ورضي الله عنهم وارضاهم. ومن الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله ووفق منهج سلف هذه الأمة ورأس هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحب الكرام رضوان الله عليهم. وهذا الأصل التمسك به نجاة من الفتن وسلوك للطريق الذي يؤدي إلى مرضاة الله عز وجل، وهو طريق العزة والتمكين في الأرض، وبه تكون العصمة من الزلل إذا صدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. Il fait partie des fondements confirmés chez les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que la mise en application du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. La tête de ces pieux prédécesseurs ne sont que, après le messager alayhi sallam, ne sont que ses nobles compagnons d'Allah alayhi ajma'in. Ce fondement, le fait de se cramponner à ce fondement, c'est la porte pour être sauvé de toute forme de trouble et de toute perturbation et de toute forme d'hésitation et de doute. Et le fait de prendre cette voie, Cela amène directement à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la voie de la suprématie, la voie de la force, la voie des honneurs, la voie pour avoir le pouvoir sur terre. Et c'est la voie pour être épargné de glisser et de divier. Si la personne est véridique avec Allah, et il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur cette voie. ومجلسنا هذه الأمسية إن شاء الله مع أحد هؤلاء الرجال الذين قال عنهم رب العزة سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما ذكر ذلك صاحب الطحاوية رحمه الله تعالى من أحبهم أحبه الله ولا يحبهم إلا مؤمن ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. Donc, notre assise ce soir, Inch'Allah, il est avec un de ces hommes, de ces nobles hommes qui sont concernés par ce verset. C'était tout à l'heure où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, il est parmi les hommes des croyants qui ont honoré leur engagement envers Allah. Certains fidèles à leurs promesses sont tombés en martyrs, tandis que d'autres attendent sans se détracter et sans rien changer à la religion d'Allah. Ces hommes ne sont autres que les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam. Des hommes, une génération que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la compagnie de son prophète alayhi salam. Et pour faire triompher sa religion, le fait de les aimer, c'est la religion, c'est la foi et c'est la bienfaisance. Le fait de les détester, c'est la mécréance. C'est l'hypocrisie, c'est dépasser ses limites, comme cela est relaté dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, le Tahawi rahimahullah. Celui qui les aime, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Celui, il ne les aimera qu'un croyant. Celui qui les déteste, Allah subhanahu wa ta'ala le détestera. Il ne les détestera qu'un hypocrite zindiq. Zindiq, dans le langage de la législation, c'est un mécréant. وموعدنا هذه الأمسية إن شاء الله مع رجل من هؤلاء الرجال هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. Et ce soir, passons cette soirée إن شاء الله avec l'un de ces hommes qui n'est autre que Abdullah ibn Omar, l'exemple du suivi par excellence. Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, ibn Nufayl, al-Qurashi, al-Adawi, al-Makki, al-Madani, radiyallahu anhu arda, Abu Abd al-Rahman, Abuhu al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Son père, c'est le Farouk, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Il a été appelé le Farouk parce qu'il fait la séparation entre le faux et le vrai. Quand il passe dans une ruelle, Shaitan n'y passe pas. Radiyallahu anhu arda. Omar ibn al-Khattab, il a dit, « قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب radiyallahu anhu arda. » رواه الترمذي وأحمد وقال الألباني حديث صحيح. عمر بن الخطاب duquel le messager d'Allah a dit dans ce hadith authentique authentifié par Cheikh Nasser Din Albani rahmatullah alayhi sahih al-Tirmidhi et rapporté aussi par l'imam Ahmed, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de عمر بن الخطاب: Allah a fait que la vérité est dans le cœur de عمر بن الخطاب, il sort de sa langue, il prononçait par sa langue, رضي الله عنه وارضاه. يقول ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. وهو صحيح, صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الترمذي. عبد الله بن عمر disait: chaque fois que les gens sont dans une situation difficile ou subissent quelque chose, et quand ils émettent leur opinion sur cette situation, et si Omar prononce son opinion, le Coran arrive conformément à l'avis qu'a donné Omar al-Khattab radiallahu anhu arda. Et ceci, les exemples sont nombreux dans le Coran radiallahu anhu arda. Wa amma ummuhu فهي زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون الجمحي. Quant à sa mère, c'est زينب بنت مضعون, la sœur de عثمان بن مضعون الجمحي. والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيكون عن مناقبه ومواقفه ومواعظه. Et donc, les points de la discussion autour d'Abdullah ibn Omar ce soir seront autour de ses mérites et de ses qualités, autour de ses positions, autour de ses exhortations, radiallahu anhu arda. Amma manaqibuhu fahiya katiratun jiddan. Quant à ses mérites et ses qualités, ils sont nombreuses. Awalan, tana'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, les éloges qu'on a fait le messager alayhi salatu wa sallam. Yaqulu ibn Umar radiyallahu anhuma: kana ar-rajulu fi hayati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a ru'ya qassaha ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fatamannaytu أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية أي مبنية الجوانب كطي البئر وإذا لها قرنان أي جانبان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع لم تخف فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه. Dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Abdullah ibn Umar disait que quand quelqu'un parmi les hommes, les compagnons, faisait un rêve la nuit ou voyait une vision dans son sommeil, il venait le matin la raconter au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a lui expliqué, alayhi salatu wa sallam. Il a dit: et j'ai espéré faire, avoir une vision dans mon sommeil pour la conter au messager alayhi salatu wa sallam, alors que j'étais un jeune et je dormais à la mosquée à l'époque du messager alayhi salatu wassalam. Et j'ai vu dans mon sommeil comme ces deux anges me prenaient et m'emmenaient vers le feu de l'enfer. et j'ai vu le feu de l'enfer entouré de deux mers, de murs, et il a deux cornes, c'est-à-dire deux côtés. Et dedans, j'ai vu des gens que je connaissais. Et j'ai commencé à dire, oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Et un ange, il dit, un ange nous a rencontrés. Il a dit, n'aie pas peur. Et il a dit, le matin, je l'ai conté à Hafsa, qui est sa sœur, qui est la femme du prophète, alayhi sallatu wassalam. Et Hafsa l'a conté au messager, alayhi sallatu wassalam. Et le Rasoul sallallahu alayhi sallam lui a dit, il est bien. Hein? Il est bien, Abdullah ibn Omar. S'il priait les prières nocturnes, c'est un homme qui est bien, si, à la condition, si il priait les prières nocturnes. Il a dit, radiyallahu anhu, après avoir entendu cela du prophète Al-Sajjum, il ne dormit que peu durant la nuit. Radiyallahu anhu, ta'ammal anta hadha al-ittiba'a. بعد التوجيه بعدما سمع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل رضي الله عنه وارضاه ميديت maintenant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait qu'on est obligé de prendre leur chemin. Dès qu'il a entendu ce qu'il fallait qu'il fasse, la condition pour qu'il soit ce réel homme et ce cet homme vertueux, il l'a accompli. Il a plus délaissé les prières nocturnes. Et des fois, on regarde certains parmi nous, combien de textes sont devant eux, et ils ne mettent pas en application. Pourtant, ils les connaissent. Hein? Pour savoir la différence qu'il y a, pourquoi ils sont les élus de l'humanité après les prophètes, alayhi sallatu wassalam. Pour ce qu'il y avait dans leur cœur et cette soumission totale qu'ils avaient à Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا من تبعهم بإحسان تأمل من تبعهم بإحسان ما يقول هذا الإمام الشافعي رحمه الله في تهذيب حلية الأولياء يقول إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. Maintenant, regarde ceux qui les suivent à la qui les ont suivis à la perfection sur ce chemin. Comme il est rapporté dans Tahdhib al-Hilya, l'Abu Nu'aym, rahimahullah ta'ala, Shafi'i disait, si vous trouvez une sunna du messager, alayhi sallallahu alayhi sallam, suivez-la. Ne faites pas attention à qui que ce soit. Et cela, ont bien compris la vie sur laquelle étaient ses premiers pieux prédisseurs d'Allah Alim. Ils les ont suivis à la perfection. Wa hakadha akhal islam ajma'a salafuna salih wa immatuna ala al-ittiba' wa ala tark kull ma yukhalifu as-sunnah wa ala annahu kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وعلى أن مذهبهم الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il en est ainsi. Nos pieux prédisseurs de Allah étaient unanimes. Nos grands imams étaient unanimes sur le suivi et sur le fait de délaisser tout ce qui est en divergence avec la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. Et que de toute personne on prend et on délaisse. On prendra ce qui est conforme à la sunna et la voie du pieux prédisseur d'Allah et on rejettera tout ce qui ne l'est pas. On prend tout du messager alayhi sallam sans rien rejeter. Tout ce qui est confirmé du prophète alayhi sallam, hada, on se soumet, on l'accepte, on met en application ce que nous pouvons. Car la voie de nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim, c'est que leur voie, c'est le hadith quand il est confirmé du messager alayhi sallam, ça c'est leur voie. Ils ne détournent pas de ça. وعن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة رضوان الله عليهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها: إن عبد الله رجل صالح. رواه البخاري. سالم كيلان دي فيس دو عبد الله بن عمر. جيكو عبد الله بن عمر غابوخ دو ساسور حفصة رضوان الله عليه مجمعين. كل مساجي الله أدي إلى دي حفصة: عبد الله إتنم فيرتيو. Confirmé de la part de celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui n'a jamais aimé quelque chose sous l'effet de la passion. Hein? Radiallahu an Abdullah ibn Umar. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. رواه مسلم. عبد الله بن عمر dans ce qui est rapporté par l'imam مسلم رحمه الله، il a dit une fois il a fait un rêve. Il a vu qu'il avait dans la main un estabrak, un tissu de tissé de soie colorée. Il avait ce tissu dans la main, et chaque fois qu'il avait envie d'une partie du paradis, ce tissu saute de sa main, il va dans cette partie-là. Et il a conté cette histoire à sa sœur Hafsa. Elle-même l'a conté au prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam a dit: je vois qu'Allah est un homme vertueux. ومن مناقبه. أبارك الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.